Toute ma vie, je l'ai senti. Toute ma vie, elle m'a menti. Oui, le bonheur est ma hantise. Toutes les nuits, j'ai des surprises. Je veux niquer le game d'après tout ce qu'ils disent. J'arrive de loin, j'en fais la banquise. Toute ma vie, j'ai eu l'air triste. Un artiste hors piste, chante ma vie sans orchestre. Demi des beats et te rallume ta pièce. Trop de flow et de délicatesse. Des thèmes par tonne, et voilà Zika pèse. Pas moyen qu'on lâche prise, j'ai pris de l'espace. Envoyez la balle, fucking les stars. Depuis tout petit, je vois plus d'esprit. On dit que le hip-hop fabrique des stars. Toute ma vie, je l'ai senti. Une étoile brille, peut s'assombrir. Chacune des prods est une combine. J'lance ma mode, c'est fashion week. La route est longue et on avance sans guide. On attend des ballons d'or en Argentine. On attend de l'eau encore dans toute l'Afrique. Les chefs d'État n'ont pas la bonne tactique. J'arrive à Fongai, oui j'ai fondé. Trop de rap, tu le rap, j'passe à côté. J'décris l'industrie sur un manuscrit. J'nique ce milieu, je ressors un style. Fixe mes yeux, oui j'ai passé des heures. On dit que la musique ramène des heureux. Toute ma vie, un réveil à l'aurore. Car j'tourne mes sons comme un film d'horreur. La barre est haute, ma gueule. On veut le comptage, George Michael. Le monde de maker, il a deux visages. Disons qu'il a eu un bon make-up. Et oui, la barre est haute, ma gueule. On veut le comptage, George Michael. Le monde de maker, il a deux visages. Disons qu'il a eu un bon make-up. Oui, le bonheur est ma hantise. Toutes les nuits, j'ai des surprises. Je veux niquer le game, d'après tout ce qu'ils disent. J'arrivais de loin, chauffais la banquise. Toute ma vie, j'ai eu l'air triste. Toute ma vie. Bang, bang.